Merci pour le test tout à l'heure. Pour tester avec mon neveu, voir si ça marchait chez lui. Ça marche. Avec la participation de Brigitte. ça a marché. Ouais, mais moi.